La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831 poste. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chipogamo qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chipogamo est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces auto Lavoie Baudry Napa, 890 3e rue Chibougamau, 418-748-6426. L'équipe de pièces auto Lavoie Baudry Napa de Chibougamau souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau, présentée, comme on vous l'a mentionné, par Autopièces Napa de Chibougamau et le club de golf de Chibougamau. On parle avec Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour, Denis. Michel, évidemment, on commence toujours par Pierre-Alexandre Bédard, qui était en tournoi cette semaine. Oui, dans la région de Montréal. OK. C'était les pros du Québec dans le cadre du circuit Pro Tour. OK. Puis une bonne performance de Pierre. Il a fini à moins deux, seulement deux coups des meneurs. Mm. Puis ça s'est roué au dernier trou de la compétition. Ah, OK. Il aurait eu une bonne chance de birdie. Puis malheureusement, il a fini avec un bogey. S'il avait fait son birdie, il avait tombé à égalité en première position. OK. Mais là, il s'est terminé en huitième place. OK. Donc, c'est quand même une bonne performance après avoir eu de la misère la semaine passée. Oui. Quoique j'y ai parlé vendredi passé, puis il mentionnait que dans son entrevue qu'il avait bien fini. Là. Oui, puis souvent, une mauvaise journée, je parlais avec son père cette semaine. Okay. Puis ce qu'il me disait, c'est que suite au dernier tournoi, avec son instructeur, il avait tout réanalysé au laser, sa position pour les coups roulés. Puis ils ont trouvé une petite lacune là qui est minime, mais qui faisait que ça le déstabilisait. Okay. Donc c'est peut-être là les correctifs qu'on voit déjà apporter là, les meilleurs résultats. OK. On va parler maintenant d'un gros fildé régional. C'est votre Omnium cette semaine à Chibougamau. Oui. Dans le fond, c'est notre club qui reçoit les compétiteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On attend une quarantaine de joueurs. Okay. Ça va être la normale par rapport aux autres achalandages dans les différents fildés. Oui. Le parcours est en superbe condition. On attend, pour une des rares fois cet été, très belle température. Oui. Donc, toutes les conditions sont réunies pour avoir un très, très beau fin de semaine, puisque au moins une vingtaine de participants qui vont monter le samedi pour une compétition amicale avant le tournoi de dimanche. OK. Donc, évidemment, on sert de pratique un petit peu pour ce tournoi-là. Après ça, ben il y avait un tournoi junior cette semaine sur les allées du club de golf. Je pense que c'était le Lac Saint-Jean. On en a parlé hier dans le cadre des chroniques de golf de Dolbeau et de Saint-Prime. Il y a un gars de Dolbeau qui a réussi un trou d'un coup au niveau du pied. Oui, c'est très, très bon. Comment ça s'est passé du côté du Pougamou? Il y en avait quatre. Chez nous, on avait quatre. Ouais. Ils sont en catégorie bantam. Ils sont russes à la limite, dans le fond. Ils viennent d'avoir 13 ans. Puis la longueur des parcours est un petit peu problématique, si on peut le dire, compte tenu de leur niveau de jeu. Mais les jeunes ont quand même bien performé. On a un qui a fini cinquième, Alexandre Gauthier. Okay. Les autres, c'était leur première participation. Ils ont trouvé que le terrain Saint-Gédéon, c'est un magnifique parcours, ouais, mais que c'est, c'est beaucoup plus difficile que jouer localement. Donc, ils sont en développement. On est très, très satisfaits. Probablement qu'au prochain tournoi à Saint-Prime, on devrait en avoir 7 ou 8. Donc, chez nous, c'est de la catégorie relève, des 12-13 ans. Ça va très, très bien. On a une 15aine qui sont inscrits localement. On est en développement. Puis, on est bien satisfait là, des performances et du comportement de nos jeunes okay. qui ont participé cette semaine à Saint-Rudéon. OK. Donc, c'est 15aine, c'est quand même bon pour un club de golf comme Chibougamau. En terminant, donc, on va y aller avec les différentes promotions maintenant? Oui, c'est sûr que dans les vacances de construction, toute la période de l'été, le terrain très accessible. On a des forfaits à partir de 2 heures pour les non-membres. C'est des coûts très abordables. Puis on invite les gens à venir découvrir un sport magnifique dans un décor tout aussi magnifique. OK. Vos verres vont bien? Sont bons? Les verres vont bien. Okay. Les trappes ont été travaillées cette semaine. Les golfeurs de l'extérieur qui vont venir vont repartir enchantés. Puis on espère des bonnes performances. Ben bravo. Ben Michel, ça fait le tour pas mal pour cette semaine? On fait le tour cette semaine. On se reparle avec plaisir jeudi prochain. OK. Donc, on rappelle que cette chronique est une commandite d'Auto-Pièce Napa de Chibougamau et du Club de golf de Chibougamau. Michel Allemand, merci. On s'en reparle.